Hey girl, let me tell you something. Y'a pas de fumée sans feu, alors pourquoi j'entends tous ces ragots? J'ai beau fermer les yeux, mais c'est chaud. Trop de soupçons te pèsent sur le dos. What if we have something to tell ya? Cause nothing to hear about ya. All the eyes are supposed to name ya. From the people against ya. Y'aura toujours des mythos, je crois que t'es un grand fanat des ragots. You not hear what them a say. Better ask myself every time where you're there. Everybody talk about it, even your friend. That's why we have me a blessing. You're bad for me, so for a love. Pourquoi je chante tous ces ragots? Y'aura toujours des mythos. J'crois que t'es un grand fan de tes ragots. What if you have something to tell ya? You burn me like a fire. Cause nothing we hear about ya. Bati j'ai des pièces tout. Pour les faits mon comprendre qui c'est mon arrivé de fou. Normal au fond mon tête à présent tout bête flou. Mon papé fait ton confiance, I can trust you. Mon toujours bail trop tout, arrêtez que trop tout. C'est mon yon kapale et t'es qu'il est nous vine fou. Faut t'en faire mon confiance, I trust you. Believe in you, I love you. Y'a pas de fumée sans feu, alors pourquoi je chante tous ces ragots? Fais ton confiance, I can trust you. Moi toujours bye tout, arrêtez qu'est trop tôt.